Les origines de la Renaissance en Italie par Johann Rudolf Rahn. Il y a des époques où les événements se précipitent impétueusement, où la sève jaillit de toutes parts, où le moindre incident revêt une importance singulière, des époques où les passions se déchaînent avec une violence extraordinaire, en même temps que brillent les plus éclatantes vertus. Il en fut ainsi du XVe et du XVIe siècle, période critique et de transition. On entend souvent, de nos jours, parler des siècles passés comme s'ils étaient trop loin derrière nous pour mériter une attention particulière. On dit du présent ce que Cicéron disait de lui-même dans un repas, où quelques-uns de ses nobles amis fêtaient, la coupe en main, la mémoire de leurs aïeux. « Je bois à moi-même, s'écriait-il, car c'est par moi que commence ma noblesse. » Il va sans dire qu'on a raison de condamner les abus du passé, et que les temps modernes ont le droit d'être fiers des progrès qu'ils ont vus s'accomplir. Mais si nous récoltons, ce n'est pas un motif pour oublier ceux qui ont semé, non plus que pour détourner les yeux des fondements sur lesquels repose tout notre avoir intellectuel. Il est évident que nous marchons sur les traces du XVIIIe siècle, par exemple, pour ce qui concerne notre costume, notre architecture domestique, nos aménagements. Personne non plus ne mettra en doute l'influence qu'ont exercée sur le développement intellectuel de notre époque les grands génies allemands issus du XVIIIe siècle, les Lessing, les Goethe et les Winckelmann. Mais nous pouvons remonter plus haut et affirmer hardiment que la vraie base de notre culture moderne est la Renaissance du XVe et du XVIe siècle. Les événements extérieurs, qui se sont accomplis pendant cette période de 200 ans, compte parmi les plus importants de l'histoire du Moyen-Âge et des temps modernes. Elle a vu surgir, à côté des anciennes civilisations latines et germaines, une puissance nouvelle, celle des peuples slaves, qui prennent place dès lors dans le concert européen. C'est aussi l'époque des grands voyages. La découverte de l'Amérique change d'un coup l'idée qu'on s'était faite du monde. L'histoire, jusqu'alors concentrée autour du bassin de la Méditerranée, commence à embrasser le monde. Mais le plus important des événements de l'époque, celui dont l'influence a le plus grandi, est peut-être la découverte de l'imprimerie. La science, privilège d'un petit nombre d'individus favorisés par la fortune et par le rang, devient accessible à tous ceux qui se sentent attirés par elle et qui sont dignes de la cultiver, et les idées mesquinement bourgeoises que la prédominance des intérêts locaux avait répandues depuis le XIVe siècle, et qu'elle aurait pu répandre bien plus encore, sont dès lors tenus en échec et définitivement rejetés à l'arrière-plan. Une puissance auparavant inconnue commence à relier entre eux peuples et individus et à faire mûrir chez tous la pensée d'un nouvel ordre de choses, pensée qui germait depuis longtemps, mais isolément, dans quelques intelligences d'élite. Partout s'agite le génie de la rénovation, ouvrant à chaque instant des horizons nouveaux. Un torrent de vie pénètre le vieux monde, torrent tantôt dévastateur, tantôt fécondant. Ici naissent des institutions qui subsistent encore. Ailleurs commencent à s'agiter des problèmes qui occuperont longuement les générations futures. Il serait difficile de caractériser et de classer toutes les influences, tous les courants d'opinion qui contribuèrent à donner à cette époque sa physionomie extraordinaire et à changer la face du monde. Quoiqu'il y ait une sorte d'égalité dans la manière dont ils ont pénétré les diverses couches sociales, il n'est pas aisé de les réunir dans une seule idée et de leur donner un nom. Ce n'est que d'une manière générale et pour abréger qu'on les désigne par les mots de Renaissance ou de Réformation, selon qu'il s'agit plutôt des races latines ou des races germaniques. Ces dénominations d'ailleurs ne sont pas heureuses. Elles ne donnent pas une idée exacte du mouvement intellectuel auquel elles s'appliquent, et elle n'en détermine ni le but ni les limites. C'est ainsi que l'on s'est accoutumé à envisager la réforme comme un mouvement exclusivement religieux et parfaitement négatif au point de vue de l'art. Nous ne nous arrêterons pas à discuter cette thèse, suffisamment réfutée par les succès de l'école hollandaise et la hauteur où elle atteignit dans un milieu tout protestant. Le nom de Renaissance, avec les idées que l'on y rattache volontiers, est encore moins applicable à l'essor que prit en Italie la vie intellectuelle au XVe et au XVIe siècle, et c'est avec raison qu'un écrivain moderne a rappelé à ce propos que certains mots servent surtout à travestir la pensée qu'ils doivent exprimer. La signification du mot renaissance est double et prête à l'équivoque. Il n'y a pas longtemps qu'il a pris rang dans la terminologie de l'art, et quoique d'origine française, il n'a été adopté que fort tard par l'Académie. On sait d'ailleurs que les Italiens ne se servent d'aucun mot analogue, tel que Risorgimento ou Rinascimento, mais qu'ils parlent simplement de l'art du XIVe siècle, Quattrocento, ou de l'art du XVe, Cinquecento. Masaccio, Ghirlandaio sont des quattrocentistes, Raphaël, Michel-Ange et leur école des cinquecentistes. Mais le mot de Renaissance n'est pas seulement insuffisant. L'emploi que l'on a fait dénature le sens des travaux et des progrès accomplis par les Italiens au XVe et au XVIe siècle. On dit, c'est la version commune, que durant le cours du Moyen-Âge, les sciences et les arts étaient tombés dans une décadence complète. Les traditions de siècles meilleurs étaient perdues ou oubliées, le génie créateur était étouffé au milieu de la barbarie qui avait tout envahi, et de même que la science gémissait sous l'oppression de la scolastique, l'art risquait de s'engourdir sous le régime monacal lorsqu'on vit tout à coup, et comme par miracle, se réveiller au commencement du XVe siècle un vif enthousiasme pour l'antiquité classique. Tous les esprits cultivés de l'Italie se groupèrent autour de l'œuvre de Dante et de Pétrarque. Pour expliquer cette transformation subite, on attache une grande importance à l'arrivée en Italie de nombreux savants byzantins lors de la conquête de Constantinople par les Mahométans. On leur attribue volontiers l'honneur d'avoir initié les Occidentaux à la connaissance de la langue grecque, depuis longtemps désapprise. Non seulement on se serait enthousiasmé en faveur de cet héritage littéraire tout à coup retrouvé, mais on aurait envisagé l'Antique comme le seul modèle à suivre. Les trésors que l'Antiquité avait légués à l'Italie elle-même, jusqu'alors peu compris ou dédaignés, auraient été soudain mieux appréciés. On se serait rendu compte de leur valeur, et ainsi serait né un art nouveau, fondé sur l'imitation de l'Antique, et qu'on serait convenu d'appeler Renaissance, c'est-à-dire Renaissance de l'Antique. Pour savoir ce qu'il y a de vrai dans cette conception, il faut consulter l'histoire et rechercher les origines du mouvement intellectuel du XVe siècle en Italie. C'est ce que nous allons faire rapidement en nous attachant surtout aux faits qui intéressent directement la rénovation de l'art. L'histoire nous enseigne comment des événements, en apparence insignifiants, peuvent prendre des proportions énormes et produire des résultats qu'il est impossible d'attribuer à un fait isolé. Ceci est une preuve de la force latente de certaines idées ou de certains développements intellectuels qui couvent longtemps dans l'esprit humain, puis, quand les temps sont mûrs, n'ont besoin que d'un incident pour se faire jour et déployer leur puissance. Alors, le nouvel idéal se montre soudain aux yeux de tous. Pour en donner un exemple récent et connu de chacun, la Grande Révolution française ne date pas des événements de 1789. Elle a ses vrais commencements dans la fermentation incessante qui travaillait la société depuis plus d'un demi-siècle et qui l'a rendue possible. Elle s'est faite dans les esprits pour passer de là dans les institutions. Les masses ont besoin d'être guidées. L'initiative des uns fait école pour les autres. L'école unit et dirige les forces isolées. Les intérêts particuliers sont refoulés à l'arrière-plan et l'on voit grossir d'heure en heure le nombre de ceux qui vivent dans l'attente des événements prochains. Le mouvement de la Renaissance offre un cas analogue. Il était préparé longtemps avant qu'au XVe siècle on eût pris généralement fait et cause pour l'Antiquité. Les événements politiques avaient déjà créé en Italie un ordre de choses tout différent de ce qui existait dans le reste de l'Europe. Depuis la chute des Hohenstaufen, l'Empire avait abdiqué ses droits sur l'Italie, ou avait renoncé à les y faire prévaloir. Le Saint-Siège avait émigré à Avignon. La plupart des autorités existantes étaient illégitimes, et cela au moment où les esprits, arrivés à la conscience d'eux-mêmes, poussaient à la réalisation d'un nouvel idéal. Ce fut ainsi que l'on crut un moment à l'avènement possible d'une souveraineté italo-romaine qui dominerait le monde encore une fois. Dans le même temps, les mœurs de la bourgeoisie subissaient de notables transformations. L'égalité des rangs et la culture générale y devenaient des réalités. l'interdiction qui pesait encore à la fin du XIIIe siècle sur toute initiative individuelle semble soudain levée, et de toutes parts les personnalités surgissent en Italie. Le fait que, vers la fin du XIVe siècle, les costumes d'hommes n'y étaient soumis à aucune mode n'est pas le produit du hasard. Il indique que la recherche de l'individualisme s'affichait extérieurement. Il en était des costumes comme des esprits. Nombreux sont les précurseurs de la Renaissance qui portent le cachet de l'individualité la plus tranchée. Il se forma, entre autres, après la mort de Pétrarque, une société lettrée qui n'appartenait à aucune des classes existantes et qui se raillait impitoyablement de toute science pédante et enrégimentée. Elle était composée de gens qui demandaient aux grands leur protection, mais ne voulaient s'astreindre à aucun devoir envers l'État. Ils recherchaient la faveur de l'Église, mais ne suivaient pas ses prescriptions. Les poètes philologues, comme Burckhardt désigne les humanistes du temps, visaient à une personnalité parfaitement harmonique et à une universalité qui s'étendit à tous les domaines de l'intelligence. Et certes, ces efforts tournèrent à leur honneur. À peine pourrions-nous indiquer une branche du savoir humain dans laquelle Léo Battista Albertini, par exemple, ne fut instruit ou profondément versé. Et Léonard de Vinci, beau comme un dieu, fort comme un héros, peintre et sculpteur, ingénieur et architecte, poète et musicien, il était tout à la fois, il excellait dans les arts les plus divers. Il fut en outre le créateur d'une série de théories scientifiques qui durent être découvertes une seconde fois et ne se répandirent que plus d'un siècle après lui. Et la vie d'un Raphaël ou d'un Michel-Ange ne constitue-t-elle pas chacune tout un chapitre et des plus importants dans l'histoire de l'art au XVIe siècle? N'indique-t-elle pas, par leur importance même, le triomphe de l'individualité sur l'esprit de caste et de corporation qui régnait au Moyen-Âge? Une transformation pareille, même dégagée de l'influence coïncidente de l'Antiquité, était plus que suffisante pour ébranler la société. Nous n'entendons point par là dénier à l'Antiquité toute part dans le travail qui enfanta la Renaissance. Bien au contraire, le goût pour l'antique fut aussi un des facteurs du mouvement. Il prit naissance en Italie au moment où commença à disparaître la barbarie du Moyen-Âge, et il devait en être ainsi, car les épisodes les plus glorieux de l'histoire nationale se rattachaient précisément aux souvenirs de l'Antiquité. L'usage plus répandu de la langue latine, sa parenté avec l'italien, le monde de monuments au milieu desquels vivait et vit encore le peuple, facilita et naturalisa en Italie l'intelligence et le sens pratique de l'Antiquité. De nos jours encore, on préconise l'instruction classique, mais nulle part et jamais on ne vit un enthousiasme pareil à celui des Italiens du XVe et du XVIe siècle. Nulle part une conviction aussi ferme que là était pour l'humanité le bien suprême. Toute différence de rang et de caste disparut devant la valeur que pouvait acquérir l'individu par son initiation aux arts et aux sciences. On voit, par exemple, dans une ordonnance du XVe siècle, l'artiste prendre rang à côté du général d'armée. Les papes eux-mêmes furent les premiers à assurer à l'humanisme une place d'honneur dans leur entourage immédiat. Cet enthousiasme ne se propagea pas chez les grands seulement, il envahit des populations entières. Les villes d'Italie se ressouvinrent de leurs grands citoyens de l'Antiquité. Naples n'avait jamais oublié son tombeau de Virgile. Padoue croyait encore, au XVIe siècle, posséder des ossements de Tite-Live, et même ceux d'Anténor, le fondateur de Troie. Mantoue frappa une monnaie à l'effigie de Virgile et érigea une statue qui devait lui ressembler. Les villes qui avaient mis leur orgueil pendant le Moyen-Âge dans les tombeaux ou les reliques de saints que contenaient leurs églises fêtaient d'illustres laïcs qui n'étaient rien moins que des saints, mais auxquels on attribuait le rôle de héros, comme dans l'Antiquité. Il ne faut chercher dans tout ce que nous venons de dire que l'indication sommaire de faits qui nous permettent de suivre dans ces expressions diverses le grand mouvement intellectuel de l'époque. Ils nous en font déjà apprécier la puissance et nous prouvent aussi qu'ils se préparaient de longue date. Nous arriverons au même résultat en examinant de plus près les progrès de l'art italien dans cette phase nouvelle. Il y a deux points sur lesquels les critiques qui font naître la Renaissance comme par enchantement d'un coup de baguette insistent particulièrement lorsqu'ils veulent caractériser la supériorité de l'art du XVe et du XVIe siècle sur celui du Moyen Âge. Le retour à l'antique, pour le fond et pour la forme, est la recherche consciente de la perfection artistique. S'ils avaient raison, il faudrait refuser complètement à l'art du Moyen Âge le bénéfice des meilleures traditions et en faire rentrer les créations dans la catégorie des monstruosités. Mais il n'en est point ainsi. Le sentiment de l'antique a traversé les siècles jusqu'à la Renaissance et a pénétré plus ou moins l'art chrétien pendant toute la période du Moyen Âge. Comme preuve, il suffirait d'indiquer le fait que la basilique, une des formes de l'architecture religieuse les plus susceptibles de développement, est une importation directe du monde païen dans le monde chrétien. Les nombreux emblèmes, tels que sirènes, centaures et autres êtres amphibologiques dont nous voyons le Moyen Âge orner ses chapiteaux, ses ogives et ses voussures, n'ont pas été employés comme de simples motifs de décoration, semés arbitrairement. Il est facile de prouver que la plupart de ces emblèmes avaient conservé au Moyen Âge la même signification symbolique que dans l'Antiquité. Ainsi, par exemple, les portes des temples païens étaient ornées d'une tête de lion qui devait écarter du sanctuaire toute influence maligne. Au Moyen Âge, nous voyons figurer le lion comme gardien typique du portail, et l'on peut s'en convaincre en Italie devant toute église un peu ancienne. Nous retrouvons même sur le portail des dômes de Goslar et de Wetzlar la tête de Méduse, au moyen de laquelle Apollon frappa de terreur les spoliateurs du temple et qui, dans l'Antiquité, devait bannir tout ce qui était impur. Dante parle des centaures comme de représentants monstrueux de la force brutale, et Giotto a peint dans une abside d'assises, comme pendant à une allégorie de l'obéissance, un être semblable à un centaure pour figurer allégoriquement l'orgueil, la jalousie et la cupidité. Il serait facile de multiplier les exemples en les empruntant à tous les degrés de développement qu'a traversé le Moyen Âge. Charlemagne cherche, comme base de son œuvre de civilisation, à faire revivre l'Antiquité dans les sciences et dans les arts. Cette tendance reparaît sous le règne des Othons. Le clergé allemand était, au XIe siècle, un des plus savants de l'Europe. À partir du XIIe siècle, surtout en Allemagne, nous rencontrons une quantité d'œuvres plastiques qui se rapprochent du sentiment de l'antique autant ou plus que n'importe quelle œuvre de la Renaissance italienne à son début. Il ne faut pas perdre de vue ce fait capital si l'on veut établir le rapport exact entre l'art antique et celui des commencements de la Renaissance. Personne ne contestera l'importance du palais Pitti comme monument de la première Renaissance. Qu'ont donc de commun ces masses titaniques avec les formes riantes des œuvres grecques et romaines? Le style des portes de bronze de Ghiberti ne jure pas moins, comme arrangement et comme perspective, avec tout ce que nous connaissons de bas-reliefs antiques. Il en est de même des anges joufflus de Robbio, avec leurs gros ventres et leurs genoux plissés, et de ces chanteurs dont l'expression est telle que les musiciens prétendent reconnaître le ton dans lequel ils chantent. N'importe quel sculpteur moderne, formé à l'école de l'Antique, traiterait tout autrement de pareils sujets. Ses œuvres, et bien d'autres, surtout celles de la peinture, s'écartent essentiellement des traditions classiques, aussi bien pour la forme que pour le fond. Mantegna et quelques autres quattrocentistes ont, il est vrai, recueilli à grand-peine une série de bas-reliefs provenant de sarcophages romains et qui leur ont servi de modèle pour des motifs de décoration d'intérieur. Mais on trouve des exceptions pareilles, du moins en Italie, pendant tout le cours du Moyen Âge, tant en peinture qu'en sculpture. La Renaissance ne s'annonce pas par un changement dans ce qui constitue le fond de l'œuvre d'art, c'est-à-dire dans l'objet même dont l'artiste s'occupe. Giotto, par exemple, pourrait fort bien, sous ce rapport, être classé en tête des peintres de la première Renaissance, lors même qu'il appartient encore au Moyen Âge par la date de sa naissance. Les nouvelles idées qui surgirent plus tard n'excluaient pas les anciennes. Raphaël a traité une grande quantité de sujets religieux. Michel-Ange a puisé ses pensées les plus élevées dans les Saintes Écritures, et il a reconnu, lui qui passe à bon droit pour le plus indépendant des artistes de la Renaissance, les lois typologiques léguées par le Moyen Âge. On peut s'en convaincre devant la principale de ses œuvres, les fresques de la chapelle Sixtine. Léonard de Vinci, enfin, a composé une sainte scène qui ne se distingue de la manière dont ce même sujet avait été précédemment traité que par la perfection propre à ce grand maître, c'est-à-dire par une plus profonde étude psychologique, par une plus grande puissance dramatique et un art plus consommé. Il n'est pas plus juste de parler des artistes du Moyen-Âge comme s'ils avaient ignoré le sens de la forme et de la beauté retrouvés par ceux de la Renaissance. Tout effort d'artiste, si borné que soient les moyens dont il dispose, tend à créer une forme, à produire le beau, à réaliser un idéal. L'art est peu connu au Moyen-Âge, il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Cependant, chacun de ces siècles obscurs nous a laissé des preuves suffisantes de l'admiration des générations humaines pour la beauté exprimée par la forme, pour la vérité dans les œuvres d'art et pour le travail consciencieux de l'artiste selon ses goûts et ses moyens. On peut conclure de ce seul fait que le sentiment de l'antique n'a pas été la seule source de l'art moderne et que le sens de la perfection, qui de tout temps a élevé l'art vers les régions de l'idéal, n'a pas fait défaut durant la période du Moyen-Âge. Le but de l'art est toujours le même, mais il ne réussit pas toujours à l'atteindre, faute de moyens et de circonstances favorables. Ceci nous conduit à envisager la Renaissance comme le couronnement d'efforts séculaires et non comme une rupture avec les traditions du Moyen-Âge. Il ne faut pas d'ailleurs s'en tenir uniquement, pour juger un style, aux indices et aux caractères extérieurs. Ce principe est vrai en général, mais il l'est doublement appliqué à l'art de la Renaissance, dont l'importance et la signification réelle proviennent d'un rayonnement nouveau, d'un réveil de l'intelligence. L'art de la Renaissance revêt sans doute, à beaucoup d'égards, un tout autre caractère que celui du Moyen-Âge, et l'on peut dire en un sens qu'il y a entre eux un contraste. Mais si l'on ne veut pas se méprendre tout à fait, il faut entendre ce contraste autrement qu'on ne le fait en général. Nous avons déjà fait remarquer que la vie personnelle s'était développée de bonne heure en Italie. Ceci s'explique autant par le concours de circonstances favorables que par un trait particulier au caractère italien. L'Italien a le sentiment de sa valeur propre. Nous voyons déjà, à une époque reculée du Moyen-Âge, des artistes italiens signer en toutes lettres les œuvres les plus lourdes et les plus primitives, ajouter même à leur nom quelque inscription élogieuse, par exemple Alter Dédalus, un autre Dédale, ainsi que le fit un sculpteur du XIIe siècle. Nous plaisantons aujourd'hui sur ces sortes de naïvetés, mais elles étaient très autorisées chez les contemporains. On n'avait qu'un point de comparaison pour constater le progrès accompli, savoir ce qui venait d'être fait par les prédécesseurs immédiats, et l'on ne se doutait pas du sentier pénible que l'art avait encore à gravir pour atteindre les hautes cimes où il est parvenu dès lors. Les choses se passèrent autrement dans le Nord. Dès les XIIe et XIIIe siècles, la vie sociale commença à se fixer dans le moule de la corporation bourgeoise, dont l'influence se fit bientôt sentir sur les us et coutumes et dans tous les domaines de l'intelligence, principalement dans celui de l'art. Dans la première période du Moyen-Âge, avait régné le style dit roman, qui, malgré des lacunes très apparentes dans sa partie technique, réussit à exprimer de grandes pensées et à créer en grand nombre des formes ingénieuses et originales. Plus tard vint le style gothique, et avec lui la recherche du détail et de l'ornement. L'exécution ouvragée, dans laquelle il voulut briller, s'appliqua presque uniformément aux nouvelles cathédrales gothiques, qui conservèrent d'ailleurs le même plan d'ensemble que les romanes, quoique dans des proportions réduites. Grâce à cette uniformité, nous sommes aujourd'hui encore en état de continuer les constructions gothiques que le Moyen-Âge a laissées inachevées et de les terminer dans le même style et le même sentiment harmonique, aussi bien qu'auraient pu le faire les architectes des XIIe et XIIIe siècles. On essaierait en vain d'en faire autant d'une œuvre monumentale de la Renaissance au XVe et XVIe siècles. Sous des auspices favorables, on pourrait arriver à reproduire un palais Pitti, par exemple, mais il serait inutile de tenter une création qui puisse en être un digne pendant, comme on a pu créer à Vienne une église dans le genre de la cathédrale de Cologne. Il est facile d'en indiquer la raison. Ce n'est pas la pierre ou le marbre qui nous ferait défaut, mais bien le génie de Brunelleschi, qui seul s'entendait à manier de pareilles masses et les coordonner dans des proportions aussi admirables. Des expériences de reproduction et de continuation, comme celles que nous pouvons faire sur l'architecture du Moyen-Âge, ne sont possibles que lorsqu'une œuvre d'art résulte moins d'une création individuelle qu'elle ne représente un style général, ce qui est le cas de l'art gothique. Tous ces dômes, toutes ces cathédrales sont l'œuvre d'un peuple et d'une époque et n'émanent point du génie créateur d'un artiste seul. Ne soyons donc pas surpris si l'art gothique trouva peu d'écho chez les Italiens. Ils essayèrent bien pendant un certain temps de remanier à leur façon ce système importé de l'étranger. Mais ils se lassèrent vite de coopérer en simples artisans à des œuvres qui ne relevaient pas de la souveraineté de leur génie individuel. L'idée qui les domina, à partir du XVe siècle, était que l'âme de l'artiste devait passer dans chacune de ses œuvres et les animer de son souffle. Aussi, un examen attentif nous permettrait-il de reconnaître, sans signature, les œuvres architecturales d'un Peruzzi et d'un Bramante, les tableaux d'un Raphaël, d'un Léonard de Vinci ou d'un Michel-Ange, et de discerner la marque du génie propre à chacun d'eux. L'œuvre d'art a cessé pour eux d'être le produit d'une activité collective. Elle représente la création de tel ou tel maître et s'affranchit de toute scolastique. Tel est le caractère essentiel et primordial de l'art de la Renaissance, ce qui le distingue surtout de l'art du Moyen-Âge. Quant aux formes extérieures, le progrès n'est pas moins sensible. D'après une définition célèbre d'Eleo Battista Alberti, la beauté ne serait autre chose que la concordance des diverses parties d'un tout dans leurs relations réciproques, en sorte que la plus grande valeur d'un monument consiste à ses yeux dans l'harmonie de ses proportions. La portée de cette maxime n'est pas comprise partout, quoiqu'elle réponde à un instinct qui ne manque complètement à personne. L'œil le moins exercé serait choqué de voir au-dessus d'une colonnade élégante s'étager et s'étaler dans tous les sens une construction pesante trois fois plus haute. Il n'y a guère que la maison romaine de Crescentius qui nous offre un exemple tranché d'un contraste aussi désagréable. Néanmoins, les constructions du Moyen-Âge témoignent aussi du peu d'attention que l'on accordait alors aux proportions d'ensemble. Si l'on voulait définir sommairement les tendances du style gothique, on pourrait dire qu'il visait à superposer les plus lourds fardeaux sur les appuis les plus frêles. Il ne s'agissait que de bien calculer l'équilibre mécanique des forces. Le sentiment de l'art y restait étranger. Ainsi s'explique la disproportion flagrante qu'on y remarque entre la hauteur et la largeur, dans les constructions allemandes surtout, l'exagération de l'appareil auxiliaire des arcs-boutants et des contreforts, et la conformation arbitraire des appuis, tantôt élancés comme des roseaux, tantôt jetés lourdement les uns par-dessus les autres. Quelle différence avec un temple antique ! À quel ordre ou à quelque époque appartiennent le temple grec ? Le diamètre de l'une de ces colonnes vous donnera une unité qui en fixera à la fois le style et la hauteur. Tout vous en démontrera les proportions heureuses, tout vous y révélera l'importance de chaque détail dans l'organisme de l'ensemble. Si grand que soit le charme des perspectives mystérieuses et pittoresques qui s'ouvrent sous les arceaux de nos cathédrales, si religieuse que soit l'impression qu'elles produisent, il n'en reste pas moins que les maîtres architectes qui en ont conçu les plans n'étaient pas versés dans la science de l'esthétique. Aussi, comme nous l'avons dit déjà, n'y prit-on aucun goût en Italie. Lorsque l'art gothique fut importé dans le sud de la péninsule par la maison d'Anjou et pénétra dans le nord avec l'ordre des franciscains, il devint simplement une affaire de mode pour une portion restreinte de la classe bourgeoise, mais ne jouit jamais de la faveur générale. L'Italien a sous les yeux dès son enfance les lignes sévères et tranquilles, les proportions à la fois majestueuses et exquises de la nature et des monuments qui l'entourent. Il ne pouvait s'habituer aux lignes bizarrement tourmentées, déchiquetées et enchevêtrées de l'art gothique, non plus qu'à cet éternel besoin de s'essouffler à grimper. Aussi n'eut-on rien de plus pressé en Italie, lorsqu'on voulut s'approprier le style gothique, que de le transformer, en donnant aux constructions une base qui fût en rapport avec leur hauteur. La nef centrale de la cathédrale de Florence, par exemple, a une largeur double de celle de la cathédrale de Cologne, et cependant sa hauteur est à peine des deux tiers. Que l'on compare encore la façade de cette même cathédrale de Cologne avec celle des cathédrales de Milan ou d'Orvieto, et l'on verra la différence. Dans la première, tout converge en hauteur, verticale sur verticale, pignon sur pignon. À peine y trouve-t-on la moindre horizontale pour reposer l'œil fatigué de cette escalade à jet continu. Un critique d'art peu révérencieux a appelé la cathédrale de Cologne le porc-épic de l'architecture. Le principe de la verticale est dans le nord le fil conducteur de l'art gothique. Dans l'art gothique italien, les horizontales sont bien autrement accentuées. Elles coupent et interrompent sans cesse cette ascension vertigineuse qui ne laisse au spectateur que le sentiment de son propre néant. On voit encore par là que l'architecture de la Renaissance en Italie se rattache aux traditions du Moyen-Âge, traditions à peine interrompues par l'influence passagère du style gothique. En abordant le XVe siècle, nous voyons surgir dans le style le plus grandiose le premier édifice célèbre de la Renaissance. Nous voulons parler du palais Pitti à Florence. Il sera toujours difficile, pour un simple amateur, d'en comprendre le sens, car au premier abord il ne paraît pas représenter autre chose qu'une monumentale enceinte fortifiée, une gigantesque façade d'énormes pierres de taille dont les brisures sont restées à l'état brut. Nulle trace de colonnes ni de piliers, des corniches sans moulures qui n'ont d'autre but que de produire les séparations voulues et le jeu des ombres et des lumières. Et cependant, c'est un vrai chef-d'œuvre que cette construction. L'emplacement est des plus heureux. Au lieu d'être encombré de masures à la base, comme les plus belles cathédrales gothiques, le palais Pitti se dresse librement sur un plateau incliné et force le regard à s'élever s'il veut en mesurer toute la façade. Un large escalier en acier à la base. À part les grands portails, le plain-pied n'est percé que de quelques hautes fenêtres afin d'éviter toute ouverture inutile tendant à affaiblir les masses. Aux étages supérieurs, par contre, où l'on réside, où l'on se sent en sûreté, deux rangées de puissantes fenêtres cintrées viennent animer et éclairer la façade. La plus grande simplicité y règne encore. La forme des moulures, le profil des corniches et des entablements, la hauteur des étages se retrouvent identiquement les mêmes, par l'excellente raison que toute l'ornementation imaginable aurait été dépensée en pure perte sur de pareilles masses murales. Mais où réside donc la beauté de cet édifice? La réponse est bien simple. La beauté en est dans les admirables proportions de toutes les parties qui forment ce vaste ensemble. Voyez donc comme il repose largement sur sa base, comme les constructions supérieures se trouvent à l'aise sur ses solides assises, comme cette double rangée de fenêtres est aérienne, comme ce troisième étage en terrasse couronne bien l'édifice. Ce fait a été imité un grand nombre de fois, et l'imitation la mieux réussie s'envoie au Palais Royal à Munich. Aucun architecte moderne n'est parvenu cependant à animer une œuvre semblable d'un souffle aussi puissant. Il a été dès lors bien établi qu'on ne pouvait produire un bel effet que par les proportions, et notamment par les proportions entre les supports et les charges dans toutes les parties d'un édifice. Le palais Pitti reste donc, malgré son air un peu trop château fort, un des chefs-d'œuvre de la Renaissance. Il fournit d'ailleurs la preuve qu'un édifice aussi vaste peut presque se passer d'ornementation. Ce n'est pourtant pas qu'on ait renoncé à l'ornementation pendant l'époque où la Renaissance brillait de son plus vif éclat, loin de là. Le besoin d'un point de repère pour l'œil, d'une ligne de démarcation qui sépare les étages, la nécessité d'un faîte qui couronne dignement l'édifice, la différence qui doit exister entre les masses actives ou formant support et les masses passives en formant charge, sont autant de motifs suffisants pour des lignes intermédiaires et des détails qui demandent le concours de l'ornementation et font appel à l'imagination de l'architecte. Mais l'ornementation ne doit pas être une parure purement extérieure, une décoration frivole. Elle doit s'adapter au sens profond de l'œuvre tout entière, arriver à l'exprimer symboliquement. Les Grecs le savaient parfaitement. Par exemple, ils revêtaient de feuilles retombantes le cou ramassé du chapiteau dorique. Ces feuilles symbolisaient la lutte existant entre le support et la charge, entre la colonne verticale et la traverse horizontale. La colonne était censée couronner de feuilles. Ces feuilles, écrasées par la traverse, devaient naturellement se replier en ondulations élastiques jusqu'à ce que chacune de leurs pointes vînt à rencontrer sa tige. Là où n'existait plus de charge, où il ne s'agissait que de couronner, les Grecs ornaient leur fronton de feuilles libres et droites. C'est précisément dans ces détails que l'art gothique nous frappe par l'étrange pauvreté de ses idées. Si l'on fait abstraction de l'élégance et de la richesse de ses chapiteaux, il ne lui reste qu'une ornementation en quelque sorte géométrique, et où l'on retrouve perpétuellement les mêmes motifs. Qu'il s'agisse de sculptures sur bois, de métaux travaillés, ou de pierres ciselées à surface pleine ou découpées à jour, partout où il reste la moindre place à orner, vous la voyez couverte du haut en bas des mêmes pignons pointus et des mêmes arabesques. Ce travail pouvait être le fait d'artisans habiles et patients, mais l'esprit cultivé des Italiens du XVe siècle ne devait guère s'en accommoder. On objectera peut-être que l'Antiquité venait justement de révéler ses modèles. Le fait est vrai en lui-même, mais il convient de marquer une différence entre l'imitation servile de ces mêmes modèles et l'interprétation libre dont les artistes de la Renaissance ont usé à leur égard. Il existe, par exemple, toute une série d'édifices toscans provenant du XIIe et du XIIIe siècle qui sont ornés de frises à l'antique. Mais ces frises ne constituent qu'une mignardise appliquée tant bien que mal sur les lourdes masses du Moyen-Âge. Elles brillent surtout par l'absence de toute raison d'être. La Renaissance procède d'une autre façon. Depuis le moment où perce l'art nouveau, tous les efforts tendent à l'intelligence de l'antique. On y arrive peu à peu. Au Palais Pitti, par exemple, toutes les frises et moulures, aussi bien celles qui séparent les étages que celles qui couronnent l'édifice, sont de la même forme et de la même grandeur. Une pareille disposition a quelque chose de pauvre et de mesquin qui y frappe aussitôt. Les architectes du temps paraissent l'avoir senti. Aussi les voit-on, immédiatement après, chercher à éviter ce défaut. Seulement, ils paraissent hésiter sur la question de savoir si la corniche supérieure doit courir tout le long de la façade ou être réservée pour le fronton central. On comprend que si cette dernière opinion eût prévalu, le couronnement de l'édifice eût souffert. La question fut agitée et flotta indécise jusqu'à ce que Michelozzo établit et fit triompher la vraie pratique au palais Riccardi. Pour lui, la corniche supérieure est ce qu'elle doit être, ce à quoi la destine sa nature et sa position, c'est-à-dire le couronnement de la façade tout entière. On voit par là quelle est la différence entre une imitation extérieure des modèles antiques, une simple reproduction de leur forme, et la manière dont l'étude en était faite et mise à profit au XVe siècle. Il est vrai que l'art de la Renaissance reproduit souvent l'antique, mais cet antique est devenu comme une seconde nature pour ceux qui s'en inspirent, se préoccupant moins d'en imiter les formes que d'en saisir le sens et l'esprit. On dirait, pour me servir d'une image déjà employée, une autre symphonie avec des accords semblables. La relation est la même entre l'art du Moyen-Âge et celui de la Renaissance. Le progrès ne consiste pas dans le fait que le second a retrouvé quelques-unes des formes du premier, mais dans le sentiment nouveau qui les anime. Dans un rapport évident entre les moments essentiels de la vie de l'artiste et ses principales créations, enfin dans une plus juste intelligence du pouvoir de l'harmonie. De semblables progrès supposent toute une transformation des mœurs, des rapports sociaux, de l'éducation. Cette transformation eut lieu, en effet. Elle fut le produit de la Renaissance, mouvement général, qui ne s'étendit pas aux savants seulement, mais entraîna la masse du peuple, qui ne se borna pas à l'art, mais se fit sentir dans toutes les directions, dans toutes les branches d'activité. L'être humain en fut modifié. L'influence de l'art antique n'eut pas suffi à produire une rénovation aussi considérable. Elle a pu y servir comme moyen, mais sans le secours d'autres forces, elle eut bientôt trahi son insuffisance. Les siècles antérieurs aussi ont connu l'art antique, mais il n'existait pour eux qu'à l'état d'imitation ou de tradition extérieure, partant sans valeur. Ce ne fut qu'à partir du XIVe siècle, et seulement en Italie, qu'il trouva pour refleurir des conditions favorables, grâce au concours de tous les hommes cultivés de la nation, et à une certaine harmonie préétablie entre la manière de sentir du peuple lui-même et le génie de l'Antiquité. Il ne faut donc pas croire que jamais une reproduction de l'Antiquité par voie d'imitation ait mérité le nom de Renaissance. Pour produire ce qu'on appelle la Renaissance, il a fallu que les temps modernes fissent eux-mêmes l'expérience intime de ce qui, 2000 ans auparavant, avait fait la vie d'une première époque de grande culture intellectuelle. Ainsi s'achève Les origines de la Renaissance en Italie par Johann Rudolf Rahn.